Achète les scuds ou va les streamer, on a trimé. J'écrivais des textes innés, on m'a peu estimé à faire ce qui m'était destiné. Ah, je fais ce qu'il est cliquos, j'en ai marre de leur indiquer le raté. À force pour ça, si je devais toucher ma com, je ferais rentrer de là la somme. Ça tenait salutation, fais le mal sans passion, fais ma manche sans boisson. Les villes, c'est cosplayers, demande leur mutation. Je m'en bats les couilles, ta cave remplie, je m'en bats les couilles, tes années de ferme. Ta mère la pute des 80s, la mienne cuisine avec des cernes. Dehors, les rires sincères sont segmentés par les gégores de poison. À la baraque, on se déchire, s'exprime en coup de poing dans les cloisons. Dans le lit de mort, je veux assez de descendants pour plus voir les murs, pour oublier que j'ai vécu toute ma vie. Confiné dans ma tête, j'aime pas quand on m'appelle. J'ai l'impression de leur devoir, au moins ça. Je donne des nouvelles comme je donnerais du vent en parler dans un sac. Belle et que les faux frères font tomber leur cœur juste pour te voir te baisser. J'éteins la lumière et je ferme les portes du coude parce que j'ai les mains pleines de péché. J'oublierai jamais le manque de chaleur dans les mains de mon père. Je pensais qu'on aurait le temps de s'aimer, le temps d'éteindre mon terre. Pour qu'on reste en bon terme, c'est mieux qu'on se croise que le vendredi. Qu'on parle pas d'argent, le ventre vide, qu'on parle pas d'argent tout court. Et m'en sortir, je fais pas tout pour malgré mes deux bras, mes deux jambes. Je suis entouré de gens qui te poussent une clope, un caprice, et qui te reparlent sans deux ans, mon ref. Confond pas poignée de main et poignée de porte. Confond pas mentir et préserver, argumenter, s'énerver. Je te laisse deviner le mal que j'ai à dire, je t'aime. Sachant que dans ma vie, j'ai déjà mis deux mois à changer une ampoule. J'étais mauvais en tout, je suis bon qu'à mettre la cheese en pot. Je redoute plein de choses, un euro dans ma poche, c'est mille remises en cause. Apprécier le bon moment, je peux pas, j'anticipe trop la suite. Ouais, tu connais, après le fou rire, Yannick sa mère la suit. Je connais des mecs qui ont rien à perdre, qui connaissent pas leurs gosses, qui vendent pas leurs mains sales en chantant. Qu'ont des baveux qui savent qu'on dit plus y va depuis 30 ans. J'écoute pas le mal, je l'entends. Je prenais des baffes de chef d'orchestre en sortant du dépôt. Je baissais la tête en mentant. Je rentrais chez moi en rampant, en pensant qu'avec ma fermeture, je leur ai refait la déco. Je reconnais n'importe quel chant d'oiseau quand la jungle dort. Je connais les dentées au coin de la rue, qu'à la Nemo sur un lingot d'or. J'ai pris perpète dans mon corps, je déplace mon lit pour me faire croire que le monde a changé. Je cache le miroir, sinon je vais me venger. Du mal à sourire, à part quand je prononce le i de nique sa mère quand je sors en début de soirée. Merlige toujours de l'espoir, comme après le bol de dégué, comme celle qu'il a préparé. Comme mon binôme, c'est pas la vie qui va nous séparer. Tu veux pas faire d'argent facile, c'est que t'as pas vu ses hanches. Moi j'aime pas le goût de mes regrets, je veux sucrer l'océan. Le regard froid comme à le 9000, je fais du rap parce que vas-y, chiap. Pourvu que la PAC me lâche la grappe. Je pensais qu'on était les mêmes, mais en fin de compte on se ressemble pas beaucoup. Tout se paiera, j'ai vécu assez longtemps pour savoir que la roue tourne devant la retouche. J'ai commencé à devenir ce que je refusais d'être. Frère, tout se passe dans la tête, de bras de jambes, pas droit de refuser le tête. La rue c'est traite, c'est un petit frère qui te vole, c'est un poteau qui te donne, une sœur qui sort. C'est un petit peu de la cité chez les gifs qui dort. Eh, c'est gore, ils m'ont fait du sale, t'inquiète, je leur rends vite fait. 357, mais dedans je peux mettre du 38 spé. Je suis crispé, zinc même dans tes t'inquiète, je ressens un danger. Moi j'ai des refrains en voile quand on s'attrape l'été à danger. Vous pensiez pas à moi, je vous en veux pas, les frères, chacun sa vie. Ça craint ma ville dans les poubelles du tchèque. Ça des sacs à ma vie, y'a des moments de ma vie sur lesquels je préfère rester discret. À gare, je pleurais dans les couloirs d'hôpital comme Meredith. Greffo du minerai, ça remontait le shit en province. En V6 pète, assois sur tes gardes silencieux. Le tir fait moins de bruit que la bécane. Cherche qui veut vraiment ton bien, c'est rare comme un bac qui te vous voit. Mes uns coupés dans la cuisine, shorter de ma chambre, je voulais tout voir. Je connais les suceurs des bites, qu'arrange-moi leur sera bon chien qu'un mec qui vient de connaître. Je voulais souhaiter, y'a pas de comète. C'est contre moi que je fais le djihad, les fous rires, les fusillades. Refrais, j'ai vu les condes se donner du mal pour que j'y aille. Rempli de regrets, t'efface pas les pleurs de ta mère en disant pardon, ça me doit des 15 ans short de décathlon avec un harpon. Bête mon saut, je suis parano 3 mois, je reprends vite la confiance. Moi j'ai niqué que des gens qui le méritaient, je les poids sur la conscience. J'ai du bon sens, frère, sur ma vie, je prends du recul comme quand je tire au pompe. Ils parlent de four à la chicha, ces fils de pute, ont même pas de micro-ondes. Je suis le goal qui marque des buts, l'élève qui a dépassé le maître. Je criais ta mère la pute, j'avais pas encore dépassé le maître. Moi j'ai des frères au star et d'autres dehors qui essayent de pas y aller. T'as pas gagné, ça revient jouer de la guitare au pied du bananier. Bien sûr qu'on préfère celle qui fait la plonge à celle qui fait l'hôtel. Je viens de couper 5 kilos, c'est pas pour une pute, j'ai payé l'hôtel. On t'a vu faire la mafia, mais on t'a aussi vu galop, frère, si c'est toi qui est bizarre, me fais pas passer pour la salope. T'as l'impression que j'en dis trop. Si tu savais comment je me bride, si je veux cramer son vis, un coup faut pas que je dise comment je le grille. 3 heures dans le bal, bien obligé de peser. On a mordu des piles, une grosse carna, un rendez-vous brosson à une porte du périph'.